Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet-Dupré 1861. Question 16. De l'usage considéré comme acte de la volonté. Notion de l'usage, cet acte est propre à l'homme, il a pour objet les moyens qui mènent à la fin, son rapport avec l'élection. 1. L'usage est-il un acte de la volonté? La volonté applique à nos opérations non seulement les facultés de notre âme et les organes de notre corps, mais encore les objets extérieurs eux-mêmes, comme le bâton pour frapper. Elle applique ces choses aux moyens, soit des facultés intérieures, soit des habitudes, soit des membres du corps, mais c'est toujours elle qui en fait usage. De même que la construction d'un édifice s'attribue à l'ouvrier qui l'a opéré et non aux instruments dont il s'est servi, c'est à cette faculté de notre âme que l'usage doit être attribué. Note. La volonté meut toutes les puissances de l'âme vers leurs actes, ce qui n'est rien autre chose que les appliquer à une opération comme instrument. L'usage lui appartient, mais il appartient aussi à la raison qui la dirige elle-même, et, d'une manière plus éloignée, aux puissances exécutrices. Fin de la note. 2. Les animaux font-ils usage de quelque chose? Les animaux exécutent certaines actions à l'aide de leurs membres, ils se servent de leurs pieds pour marcher, de leurs cornes pour frapper, mais, comme ils font ces choses en vertu d'un instinct naturel, et qu'ils n'appliquent pas véritablement leurs membres à leurs actions, l'usage ne leur convient pas. 3. Fait-on usage de la fin dernière? On n'use pas de Dieu, dit saint Augustin, mais on en jouit. L'usage, emportant l'application d'une chose à une autre, n'a rigoureusement pour objet que ce qui mène à un but. Toutefois, la fin dernière se prenant tantôt pour la béatitude elle-même, tantôt pour la possession de la béatitude, on peut parler de son usage pour désigner, dans un sens impropre, la jouissance que l'on trouve en elle, car la paix qu'elle fait goûter peut être envisagée comme une sorte d'usage. 4. L'usage précède-t-il l'élection ? L'usage, si on le définit l'acte par lequel la volonté se sert des facultés exécutrices en leur imprimant le mouvement, suit évidemment l'élection. Mais, comme la volonté meut, d'une certaine façon, la raison et se sert d'elle, l'usage, en ce dernier sens, précède l'élection pour tout ce que la raison rapporte d'avance à une fin. Note. Pour l'intelligence de ces vérités, et surtout pour la notion des actes commandés dont va traiter la question 17, il est nécessaire de se reporter à la question 6, et d'en bien étudier l'article 4, où l'auteur établit qu'il y a deux sortes d'actes volontaires. Nous le répétons ici. Peut-on faire violence à la volonté? Il y a deux sortes d'actes volontaires, les uns, appelés actes illicites, suscités, sont le fait immédiat de la volonté, comme vouloir ou ne pas vouloir, les autres sont simplement commandés par elle, et c'est une autre faculté qui les exécute. Marcher, parler, se mouvoir, voilà des actes que la volonté commande, mais qui sont confiés à la force motrice. Il est indubitable que, dans les actes commandés, la volonté souffre violence, on peut enchaîner les membres du corps pour les empêcher de lui obéir, mais la violence ne saurait atteindre la volonté elle-même. Volontaire et violenté sont deux choses incompatibles, et voici pourquoi, dans le volontaire, la volonté s'incline d'elle-même avec connaissance d'un but. Or, si vous supposez qu'elle est violentée, vous supposez qu'elle ne s'incline pas d'elle-même, dès lors son acte n'est pas volontaire,